11e chapitre, le vieux ton. Et la chevalerie, inclinant sa bannière, pose sur le cercueil sa couronne dernière. Soumet, dernier moment de Bayard. Oh, qu'elle est loin de nous cette époque cyclide, où chaque mur couvrait quelque noble héroïde, où le sylphe discret, au pied de chaque tour, répétait à minuit un doux refrain d'amour. Refrain que murmurait la blonde jouvencelle à travers les barreaux de la blanche tourelle. Dieu, sa dame et le roi, tels étaient les trois mots qui, chez l'adolescent, découvraient le héros. Adieu l'hymne sacré, les pompes magnifiques, la myrrhe, l'encens pur et l'offrande des cœurs. À son prince sa foi, son bras au champ bélique, à sa dame sa vie et ses pensées rêveurs. Oh, le beau temps, celui de la chevalerie, beau temps où l'on courait des jeux du vert préau, aux fêtes du moustier, à la sainte chérie, où tous les rangs marchaient sous le même drapeau, où de la cour d'amour au senteur d'ambroisie le chevalier volait au camp de Banneret, où la prière sainte à flot de poésie comme un rare parfum vers les cieux s'élevait. Ô beau temps de croyance, où tout parlait à l'âme, où l'air était peuplé de fantômes chéris, où chaque vieux manoir avait sa noble dame, chaque lieu sa légende au magique récit, où le beau ménestrel visitait dans sa route le chaume, le palais ou le fort crénelé, accueilli bienvenu sous la superbe voûte, comme sous l'humble toit par les vents ébranlés. Ô beau jour où saignante et la bure et la haire, de pieux pèlerins volaient vers les saints lieux, affrontaient les périls pour embrasser la terre qui reçut du Sauveur les soupirs glorieux. Où sont ces hommes forts aux robustes natures qui portaient sans ployer ces pesantes armures et froids des hommes d'aujourd'hui? Hélas, ils ne sont plus qu'une froide poussière, et cette race tout entière à jamais sans retour a fui. Où sont surtout ces nobles femmes que le fier paladin adorait à genoux, qui, sous le lin cachant de vigoureuses âmes, en guerre gouvernaient au nom de leurs époux? Qui, le faucon au poing, vaillante chasseresse, au son bruyant du cor battait plaines et bois, ou cachant sous les reins leurs ondoyantes tresses, guidait vers les combats leur léger palefroid? Où sont-elles encore ces femmes séduisantes qui tenaient en leurs mains le doux code d'amour, resserraient des amants les chaînes vacillantes et mettaient sans pitié le traître hors de cour? Beau temps, cycle doré, le siècle anatomiste veut, armé du scalpel, vous réduire au néant, brise dans son dédain votre radieux prisme, et pygmée orgueilleux se proclame géant. Oh, pourtant, quel parfum à nos sens se révèle au milieu des cités, filles des anciens jours, quand le penser rêveur, nous couvrant de son aile, de tout un long passé nous retrace le cours. Une évocation brillante fait revivre à nos yeux tout un monde idéal. Mais, si bientôt rendus à l'époque présente, des races nous cherchons une trace vivante, rien. Le temps a posé partout son doigt fatal. Des générations, le fougueux vent des âges efface sans pitié les vestiges sacrés. Seul le poète encore rêve les vieux usages, leur consacre parfois quelques chants éplorés. Des siècles enfouis recherchant les empreintes, il soupire et demande à ces noirs monuments quelques nobles débris de ces races éteintes. Rien. Tout a disparu dans le gouffre des ans. Dans l'enceinte des basiliques, orgueilleuses, livrées aux désirs curieux, une foule mondaine inonde les portiques où jadis pénétrées des vérités bibliques, un peuple de croyants portait ses chants pieux. Temple, ton saint autel où l'encens fume encore, malgré l'éclat pompeux qui toujours le décore, n'entend plus l'hymne en cœur s'élever jusqu'aux cieux. L'homme a défié sa vanité superbe, Sur le trône divin, il tente de s'asseoir, lui que le moindre vent peut courber comme l'herbe qui fleurit le matin et se fane le soir. Mais silence, partant du milieu des nuages, une secrète voix à mon cœur parle ainsi. Cesse de déplorer le temps et ses ravages, étouffe les regrets d'un lyrique souci, renouant les anneaux de la chaîne des âges, barde, ne tente point de les chanter ici. Laisse les reins sacrés, laisse la douce brise pour toi seul murmurer un langage inconnu. Aux luttes mystérieuses, la légende soumise se plaît à révéler son charme méconnu. À l'écho du présent, ose accorder ta lyre. Le siècle a ses travers, mais il a ses vertus. Ardent rénovateur, l'amour du bien l'inspire. Vois le but glorieux vers lequel il aspire. Et sur les jours passés, crois-moi, ne gémis plus.